Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, la belle époque ou la nostalgie d'un âge d'or perdu. On vit avec des choses que l'on connaît et on croit qu'elles existent depuis toujours, comme par exemple l'existence du métro, comme l'existence de l'électricité, du téléphone, du cinéma. Et pourtant, tout ça est né en 1900 à Paris. Paris, 1900, c'est le début du 20e siècle, c'est l'effervescence de l'exposition universelle, la deuxième en un peu plus de 10 ans pour la Ville Lumière. C'est un peu le début d'un nouveau monde, du monde moderne, comme le faisait remarquer Henri Barrasse dans cet extrait de l'émission L'Aventure qu'on vient d'entendre. Les découvertes scientifiques et technologiques sont prodigieuses. L'art et la culture vivent une véritable période d'explosion. C'est la belle époque, même si on ne le sait pas encore. Et pour nous raconter l'histoire de la Belle Époque, l'historien Éric Dussault, spécialiste de l'histoire culturelle européenne. Éric Dussault, bonsoir. Bonsoir. Éric, ce qui est particulier avec la Belle Époque, je l'évoquais il y a quelques secondes, c'est qu'au fond, c'est après coup, après la Première et après aussi même la Deuxième Guerre, après toute cette misère, c'est là qu'on se tourne vers cet âge d'or perdu de la fin du 19e, début 20e, après coup donc. Elle existe, cette Belle Époque, après qu'elle existait. On s'en est rendu compte par la suite, mais effectivement, avec les drames comme ceux qu'on a connus, Première, Deuxième Guerre, vous l'avez dit, vous imaginez n'importe quoi pourrait sembler comme étant une belle époque. Et de fait, on parle de quelle période précisément? Très bonne question. Les historiens varient dans leur interprétation, mais on s'entend que, étant donné qu'il y a des crises économiques au 19e siècle, c'est après 1890, jusqu'en 1914, au déclenchement de la Première Guerre. Donc, une période relativement courte, mais qui est très importante dans la mythologie de Paris et même du tourisme international, puisque Montmartre est à ce moment-là le quartier à la mode. Après, ce sera Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés plus tard. Mais c'est vraiment l'âge d'or de Montmartre. Et puis, vous savez, à peu près tous les gens qui nous écoutent ont peut-être un aimant sur leur frigo avec le chat noir, cafconque très célèbre de Paris, ou sinon Aristide Bruand, qui apparaît aussi sur des affiches de l'époque. Donc, c'est encore aujourd'hui très important dans la mythologie. Et ça, c'est après coup qu'on s'est rendu compte que tout ça était beau, effectivement. Mais bon, ça, c'est intéressant de voir qu'on réalise la grandeur d'une époque après coup, mais ça pose des questions intéressantes. La belle époque, dans quelle mesure? Puisqu'on est dans la nostalgie, on tout décide que c'était la belle époque. Oui. Qu'est-ce qui est beau ou pas, et pour qui, en fait, dans cette époque-là, réellement? C'est que c'est un mythe, en fait, la belle époque. Oui. Donc, un mythe parce que ce sera une minorité d'individus, comme c'est souvent le cas, qui aura les moyens financiers de pouvoir jouir de la vie à la belle époque. Il n'y a jamais eu autant de divertissement possible qu'à ce moment-là à Paris, et ils vont en profiter. Mais les ouvriers, les travailleurs du milieu agricole, les femmes qui sont toujours payées 50 % moins cher que les hommes, qui travaillent dans les nouveaux grands magasins, il y aura un nombre de grèves incroyable. Jacques, il y a plus de 1000 % d'augmentation de grèves, du nombre de grévistes et de jours perdus pour les grèves. Donc, c'est une histoire importante dans l'histoire de la grève en France. C'est là que les grands syndicats français qu'on connaît aujourd'hui sont créés. C'est le début du mouvement ouvrier. C'est le début du mouvement ouvrier. Et la grande vedette de l'époque, c'est Jean Jaurès, qui est à la tête de la SFIO, le Parti socialiste français, qui va être assassiné juste avant la Première Guerre mondiale au Café Le Croissant. Et puis, à ce moment-là, et c'est un drame, mais lui est un tribun. C'est presque, pour faire une analogie québécoise, une espèce de René Lévesque du mouvement socialiste. Ouais. Donc, il est important. Alors, le socialisme, le syndicalisme et le mouvement ouvrier, c'est vraiment très important. Et c'est pas un hasard, parce que si ce mouvement ouvrier s'organise, cette voie socialiste s'articule, c'est parce que il y a un clivage économique très, très grand. C'est la belle époque, nous disiez-vous, dès le départ, pour les plus riches. Les plus riches sont très riches. Il y a ce qui fait la belle époque. On y reviendra dans un instant, l'explosion de la technologie, des inventions, le côté culturel aussi, mais l'économie va très, très bien. Tout le monde n'en profite pas, mais il y a vraiment, on sort de cette récession qui a été très, très difficile. Tout à fait. Et ceux qui vont en profiter en premier lieu sont les bourgeois, la nouvelle classe dominante. Avant, il y avait l'aristocratie. Il ne faut pas oublier qu'il y a le retour de la royauté au 19e siècle. Après, il y a les Napoléons. Et puis, il y a l'instauration de la République, la Troisième République, après 1870-71. Et là, à ce moment-là, la France s'ancre définitivement dans un régime démocratique. Mais ceux qui vont en profiter, c'est cette nouvelle classe bourgeoise, de plus en plus riche. Écoutez, elle consacre 30 % au moins de son budget à la à la nourriture, alors que l'ouvrier, ça va être 60 % de son budget. Donc, vous voyez, il y a de grands écarts. Ensuite, il y a l'urbanisation qui est importante. C'est l'exode rural. La France de 1900, c'est une France rurale. Elle est en retard par rapport à l'Allemagne et à l'Angleterre, par rapport à ses grands voisins. Et à peu près 56 % de la population vit en campagne. Et n'oubliez pas, ça étonne toujours les étudiants quand j'en parle, mais on ne parle pas français dans la France de l'époque. C'est grâce à l'éducation laïque et obligatoire jusqu'à 13 ans et aussi grâce à la Première Guerre mondiale, grâce au travail en usine, que ces provinciaux, qui parlent souvent un dialecte local, une langue régionale, vont apprendre le français parce qu'ils devront avoir une espèce d'espéranto pour se comprendre qui sera la langue française. Et puis, c'est, je l'évoquais au tout début de l'émission, on entendait dans cet extrait d'Henri Barras, c'est l'explosion sur le plan de la science, des inventions. Tout est inventé. Métro, automobile. Enfin, incroyable. C'est la deuxième révolution industrielle. Tout à fait. Et aujourd'hui encore, cette période-là a une incidence sur nous. Le métro, vous l'avez dit, 1900, inauguré un petit peu en retard par rapport au début de l'exposition universelle, mais pendant l'expo universelle, ça va fonctionner avec les fameuses sorties ou entrées de métro qu'on connaît, qui ont été conçues par Hector Guimard. Et puis donc, il y a ce métro-là. Il y a à l'époque les escaliers roulants qui sont créés. Il y a les tapis roulants. Durant l'expo universelle, il y a deux vitesses, ceux qui veulent aller plus vite et ceux qui veulent aller moins vite. Sur la tour Eiffel, le temps est indiqué, l'heure. Donc là, il y a cette idée de vitesse. Le chemin de fer est dans une période de croissance phénoménale et on va inventer le retard, l'attente, la vitesse. Et alors qu'en 1850, on trouve que le train va très vite, en 1898, on dit que là, ça va pas assez vite, on est prêt pour l'automobile, on est prêt pour les prochaines inventions qui vont avoir. Et l'avion, ultérieurement, qui aura l'impact qu'on connaît aujourd'hui. Le téléphone qui suit la télégraphie sans fil. N'oubliez pas, à l'époque, quand on construit un chemin de fer, systématiquement, on installe des poteaux pour la télégraphie sans fil et après le téléphone. Donc, les deux technologies sont liées. Mm-hmm. Au même titre que jazz et cinéma vont ensemble, ben, on pourra dire que le chemin de fer et les communications orales, donc la transmission de la voix, de la parole, vont se faire en concomitance avec le développement du chemin de fer. Les scientifiques ont beaucoup de prestige dans la Belle Époque, parce que justement, ils contribuent beaucoup. Il y a Pasteur au 19e siècle qui est important aussi, qui va révolutionner les mœurs, ce qui explique pourquoi dans l'univers bourgeois, on souhaite ouvrir les fenêtres, on souhaite aérer Paris, et le baron Haussmann, qui va élargir les boulevards, veut incarner à la fois tuer la gauche, donc plus moyen de bloquer les routes parce qu'elles vont être tellement larges, les avenues françaises, parisiennes particulièrement, qu'on ne pourra plus créer de barricades et puis se cacher derrière. Et deuxièmement, on ouvre les fenêtres et on modifie l'entrée de la lumière pour faire en sorte qu'on ait un environnement plus sain. Donc tout ça, c'est vraiment cette idée de progrès, c'est déterminant. La fin du 19e siècle, début du 20e siècle, c'est l'idée de progrès, d'avancer et en même temps, une crainte profonde chez les Occidentaux de dégénérescence. Je ne sais pas si on va être dans la dégénérescence, mais parlons quand même des mœurs, de la culture, des mœurs qui est très, très libérale à ce moment-là. Écoutons à ce propos un extrait de Laure Adler, cette femme de communication, femme de lettres, qui parle de ce qu'on appelle l'alcôve à l'émission Le fil du temps en 1990. L'alcôve, c'est le chic du chic. C'est la fille qui a l'immense avantage de pouvoir exercer son métier chez elle et qui en plus choisit ses clients. Elle peut aussi allumer les désirs de gens extrêmement importants dans les hautes sphères de la société. On l'appellerait une courtisane ? Oui, une demi-mondaine, une courtisane, une allongée, une horizontale, tous ces termes-là étaient utilisés. Elle est généralement très très belle, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi qu'elle soit très intelligente, très mutine, très coquine, très turbulente. Donc il faut savoir tenir un salon, il faut savoir inviter, il faut savoir faire des dîners, assembler les gens. Et généralement, c'est des filles de ruisseau, hein. C'est vraiment des filles qui partent de rien, qui sont très malines, des filles du peuple, qui sont une espèce d'étoiles flamboyantes, qui sont, moi, que j'admire énormément, parce qu'elles ont beaucoup de rouerie, beaucoup d'intelligence, beaucoup d'éclat. Et c'est des filles qui vont arriver au sommet absolu de la richesse, qui, en l'espace d'un ou deux ans, alors qu'elles vivaient misérablement dans des chambres de bonnes, vont se retrouver à la tête d'hôtels particuliers, avec des dizaines et des dizaines de domestiques, des attelages, des dorures, des bijoux, des fourrures, sorties tous les soirs, le bois, les plus grands hommes politiques à leur table, etc. Et puis qui, généralement, au bout de 10-15 ans, vont se retrouver dans une misère noire, abandonnés de tous et de toutes. Elles distribuent l'argent, elles doivent penser d'ailleurs qu'elles n'ont pas tellement de mérite à le gagner, donc elles le distribuent généreusement, mais tout le monde les oubliera. Ça en dit beaucoup, Éric Dussault, sur l'époque, oui. Sur la culture des mœurs, pour la bourgeoisie, vraiment, grande, c'est très libéral. Oui. Par contre, il faut faire attention, ça c'est une classe de filles de joie qu'on ça, c'est vient la décrire. De luxe. Là. De luxe, mais en parallèle, il y a la bourgeoise qui est mariée et qui, elle aussi, va vendre ses services, mais dans ce qu'on appellera la maison de rendez-vous. Ah bon? En après-midi. Parce que la femme parisienne a à ce moment-là une liberté inégalée. Elle est autorisée à sortir, mais à certaines heures de la journée, notamment en après-midi, parce qu'elle fait du travail pour les bonnes causes et tout ça de charité. Mais elle va aller dans un lieu qui a toutes les apparences d'un petit milieu bourgeois, il y a des hommes qui arrivent et elles vont plus longuement que dans d'autres bordels, discuter avec l'homme, tout donne l'impression qu'elles choisissent leurs clients ou qu'elles sont choisies, mais tout ça c'est de la prostitution, mais dans un cadre bourgeois. En fait, il faut lire Alain Corbin, hein, c'est vraiment incontournable sur la misère sexuelle et la prostitution au 19e siècle et particulièrement à la Belle Époque, c'est vraiment un ouvrage incontournable, il explique bien ça. La confusion que ça crée, parce que les policiers eux-mêmes ne savent plus qui est bourgeoise et qui est prostituée. Parce que la bourgeoise s'érotise et la prostituée, en raison des grands magasins qui se développent, le sans bon marché, bourgeoise. Tout ça, sans bourgeoise. Alors là, ils ne savent plus donner de la tête, ils ne savent plus qui est quoi. Et la prostitution, à la fois dans les bas-fonds, pour les marins, pour les immigrants, et en même temps, dans la très haute société, il y a ces demi-mondaines qui sont des chanteuses, actrices et tout ça. Mais il y a aussi cette femme bourgeoise qui, parce qu'elle est souvent mal entretenue ou insuffisamment entretenue de son point de vue, va aller chercher de l'argent complémentaire en ayant des hommes à ses pieds pour pouvoir gagner des sous. C'est la Belle Époque. C'est la Belle Époque pour ceux qui peuvent se les payer, effectivement. Politiquement, c'est très, très riche aussi comme époque. Oui. C'est quoi? C'est le début de la pensée républicaine. Ah oui, très clairement. C'est très clairement. La Troisième République en France veut créer un citoyen. C'est ça le but. Et je parlais de la paysannerie. Je rappelle, 56 % de la population est paysanne et on les considère de haut, ces gens-là. On va donc les instruire. C'est pour ça que dans toutes les régions de France, il y aura des instituteurs qui vont apprendre, grâce au Petit Lavis, qui est un historien connu en France, qui va raconter de façon nationaliste et aussi très fière du coq français l'histoire de France avec toute la fierté qu'on peut en soutirer pour créer un nouveau citoyen démocrate et qui aura des libertés inédites. Il faut vous dire que la liberté de presse, on n'a pas parlé de la presse, mais c'est fondamental. 5 millions de copies vendues chaque jour à Paris de journaux. Par conséquent, il y a des idées qui sont transmises et ces instituteurs et ces journalistes vont contribuer à leur façon à cette démocratie-là. Mais elle est toujours chambranlante parce qu'il y aura des attentats anarchistes, il y aura les anciens nostalgiques de la royauté, donc de tout ce qui couronne, qui vont vouloir mettre en danger la République pour revenir en arrière. Vous parliez d'éducation. La République, c'est aussi l'éducation laïque. Ça, c'est le début du 1905. Siècle. Ça, c'est fondamental. Même ça a une incidence sur le Québec parce que nous, on va avoir des religieux qui vont venir ici parce qu'ils quittent la France. Donc, en 1905, on sépare l'Église et l'État et ça coïncide avec, donc à la Belle Époque aussi, l'éducation qui quitte le giron des autorités religieuses pour être totalement laïque. Alors, à ce moment-là, c'est dur là, pour le clergé. Vous imaginez, séparation de l'Église et l'État, puis en plus, ils perdent le monopole sur l'éducation. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut créer des nouvelles écoles avec des nouveaux instituteurs. Alors, il y aura une croissance phénoménale à ce moment-là de l'éducation, ce qui fait que dans la France de 1914, il y aura beaucoup, beaucoup plus de gens qui sauront lire et écrire que ce qui était le cas auparavant. Défi pour vous, Éric Dussault, l'affaire Dreyfus en quelques mots. Je dis en quelques mots parce que ça vaut une émission qu'on refera bien, qu'on fera bien un jour. Mais qu'est-ce qui se passe avec cette affaire-là? Avec plaisir. L'affaire Dreyfus, c'est un officier alsacien, français, qui est injustement accusé parce qu'il est juif, d'avoir vendu en quelque sorte des informations importantes à l'Allemagne. Et donc, il est un traître à la nation. Et c'est l'armée française qui est encore un ennemi de la République à ce moment-là et qui est antisémite, comme d'ailleurs certaines personnes en France qui sont assez nombreuses en quantité. C'est très répandu, l'antisémitisme dans cette France-là. Alors, on va utiliser l'affaire Dreyfus pour critiquer le juif pour s'attaquer à lui. Et même si on connaît le vrai coupable, M. Esterhazy, pourtant, on va continuer à s'attaquer à Dreyfus. Et c'est Émile Zola qui va prendre la parole dans un article célèbre dans le journal L'Aurore et qui va inventer l'intellectuel contemporain. Il va prendre la défense de Dreyfus, il va s'attaquer nommément à 10 hauts gradés de l'armée et va exiger un nouveau procès. Et en faisant ça, il sait à ce moment-là qu'il fait de la démagogie, il sait qu'il va être poursuivi pour avoir outrepassé ce que la loi française autorise et il va y avoir un nouveau procès et plus de 200 témoins vont à ce moment-là témoigner et Dreyfus va être, 10 ans plus tard, blanchi. Et il va récupérer sa fonction. Et ce fameux texte de Zola, c'est le fameux J'accuse. Zola, qui va faire partie, Éric Dussault, de ces grandes voix littéraires de la Belle Époque, extrait du chroniqueur Richard Gay qui en parle à Christiane Charette en 1993. Or, les Rougon-Macquart, il y a un sous-titre qui, à mon avis, dit tout, révèle tout. Et ce sous-titre, c'est « Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire ». Pourquoi naturelle? Pour deux raisons. Tout d'abord, le style de Zola, c'est le style naturaliste. Qu'est-ce que c'est le style naturaliste? C'est un style qui est proche du réalisme, avec peut-être un supplément accordé à l'observation, à la description exacte des faits et des gens et des milieux, surtout. Mais histoire naturelle pour une autre raison, et celle-là, elle est fondamentale, c'est que Zola a eu l'idée des Rougon-Macquart après avoir lu un livre de science. Il était très intéressé par la science. Et ce livre de science, c'est « Introduction à l'étude de la médecine expérimentale », qui est le livre de Claude Bernard. Et Claude Bernard, c'est le père de la génétique. Oui. Alors, Zola découvre les fondements de la génétique en lisant « Introduction à l'étude de la médecine expérimentale ». Et là, lui vient l'idée d'un ensemble de romans construit à partir d'une famille, une famille fictive, bien sûr. Et lui, il élabore, avant même de commencer à écrire, il élabore tout un arbre généalogique, celui des Rougon-Macquart. Donc, histoire naturelle et sociale. Parce que ce que fait Zola dans les Rougon-Macquart, c'est la peinture de différents milieux. Oui. Les bourgeois, les ouvriers, mais aussi les artistes dans son roman « L'œuvre ». Il va parler, par exemple, des marchés de Paris, dans le ventre de Paris. Il va parler des grands magasins. Au bonheur des dames. Au bonheur des dames, oui, qui est superbe. Qui est joli, oui. Il va Zola, évidemment, une voix importante sur le plan littéraire de la Belle Époque, mais il y aura, Éric Dussault, c'est vraiment l'effervescence, c'est le début du cinéma, c'est tout l'art nouveau, vraiment très, très, très riche. Ben oui, parce que la fin du 19e siècle, c'est le fameux film des Frères Lumière, la sortie des usines Lumière qui est filmé et qui va être donc marquer l'histoire parce que ça va être un des premiers films à être montré. Donc, les Français inventent le cinéma et à partir de là, on sait tout l'impact que ça aura par la suite. Et Zola, c'est le grand écrivain de cette époque-là qui dépeint toutes sortes de milieux, toujours dans cette idée de la dégénérescence, une critique aussi de certains régimes politiques qui ont précédé pour démontrer toutes leurs mœurs déréglées et tout ça. Et puis, la crainte aussi de cette montée des masses, hein. Monsieur Rioux, historien français, parle beaucoup de la montée des masses pour caractériser la fin du 19e siècle, justement parce que l'éducation augmente et aussi la participation politique. Donc, c'est un écrivain qui va décrire ce qui se passe et elle a raison, au bonheur des dames, c'est le livre qu'il faut lire pour bien comprendre ce qui se passait dans un grand marché parisien, dans un grand magasin parisien qui s'appelle Le Bon Marché, qui existe encore aujourd'hui. Et Zola s'est rendu sur place, a mené son enquête et ça donne au bonheur des dames. Petite information, 11 000 personnes travaillaient dans 12 grands magasins en 1900. C'est un très grand nouvel employeur. Et les demoiselles qui travaillent là vont avoir des petites aventures dont vous pourrez avoir plus de détails en lisant Zola. Donc, période riche sur le plan culturel. On est aussi, il faut le dire, dans l'avant-garde. Petite révolution, le sacre du printemps d'Igor Stravinsky. Écoutez le chef Pierre Monteux, c'est lui qui dirigeait le soir du 29 mai 1913 cette œuvre si contestée au Théâtre des Champs-Élysées. Dès les 5 premières mesures, le public a manifesté, on n'a rien entendu de la partition. Jusqu'à la fin. En tout cas, ces manifestations étaient tellement fortes, n'est-ce pas? Il y avait deux parties. Il y avait un parti pour et il y avait un parti contre. C'est là que Florent Schmitt s'est levé et qui a dit « Ah bah, les grues du 16e !» N'est-ce pas ? Parce que le 16e arrondissement n'admettait pas cette musique. Tandis que les musiciens, comme Florent Schmitt, voulaient entendre, n'est-ce pas ? Ils trouvaient que c'était très bien. Il y a eu donc une bataille, des gens se sont vraiment battus dans la salle. Et comme vous connaissez les Parisiens, du moment que c'était comme ça à la première, nous avons donné encore 4 auditions, 4 représentations, les Parisiens sont venus pour manifester 4 fois encore. On n'entendait rien, n'est-ce pas ? À bas, rideau, etc., n'est-ce pas ? Et Diaghilev, dans la coulisse, me faisait signe de continuer. Et Stravinsky, lui, quel était Stravinsky, lui, est parti à un moment donné, n'est-ce pas ? Il en avait assez. Il s'est avoué vaincu, n'est-ce pas ? Il n'y avait rien à faire. Petite révolution du Sacre du printemps, scandale à Paris. Tout mais à fait. On est vraiment dans... C'est l'ère du temps, là, oui. En art visuel, partout. On est dans l'avant-garde, dans les révolutions. Oui, tout à fait. D'ailleurs, un critique parisien célèbre dira qu'il s'agit du massacre du printemps, ouais. Étant donné cette musique considérée comme dissonante, discordante avec le Festival de la fausse note. Vous voyez un peu. Mm-hmm. En fait, c'est comme si aujourd'hui, John Zorn, qui est une personnalité connue dans la musique actuelle, jouait... À l'OSM. Oui. Hein? Et l'impression que ça donnerait au public, ça serait un petit peu... les cheveux leur friseraient, c'est clair. C'est ce qu'on a connu comme expérience là-bas. Ça nous amène à parler des avant-gardes, les impressionnistes. Oui. C'est déjà un peu tard, là, à ce moment-là. On est déjà dans la suite des impressionnistes, fauvisme et tout ça. Je ne suis pas un historien de l'art, on ne va pas aller trop loin là-dedans, mais il y a quand même dans la peinture beaucoup de révolutions importantes. Évidemment, Picasso, le bateau lavoir, là, dont on parlait tout à l'heure de Montmartre, ben, c'est à Montmartre que cet atelier se trouve, où il n'y a pas d'eau courante, pas d'électricité, c'est un lieu de travail très difficile et pourtant, c'est un quartier qui sera effervescent, entre autres à cause des CAFCONC. Hein? Il y a plus de 250 CAFCONC à Paris et puis on va là entendre des chanteurs, notamment un certain célèbre qui sera immortalisé par Toulouse-Lautrec, qui fait de la chanson réaliste, Aristide Bruand, notamment au Chat Noir. Donc, la chanson qui décrit les petits milieux, le petit peuple, mm-hmm. sera très populaire. Encore là, en lien avec le socialisme, qui est populaire à l'époque aussi, et même la révolution, qui est un idéal dans certains milieux. Et puis, l'art nouveau, toutes ces rondeurs. Oui. On se rappelle les dessins, les toiles de l'époque, avec les femmes qui ont le derrière retroussé en raison de la mode de l'époque. Eh bien, on va retrouver ça même dans l'art nouveau, hein, ces rondeurs-là. Et on les pense à Guimard. Végétaux, ben voilà. Guimard, entre autres, pour les métros, mais aussi pour les végétaux et pour le bois, qui est tout en rondeur aussi. Et l'architecture, même à Barcelone, on aura aussi un équivalent qui est encore aujourd'hui très apprécié là-bas. Donc, c'est pas simplement parisien, mais ça va être aussi en Belgique et ailleurs en Europe. Il y a tellement de choses à dire, Jacques, il y en a énormément, mais culturellement, c'est foisonnant, scientifiquement, c'est foisonnant, mais socialement, c'est difficile. Ouais. Ben, on s'arrête là-dessus. C'était passionnant. Il aurait fallu faire 3 heures là-dessus, ah, oui. Éric Dussault. Merci beaucoup, Éric. Je rappelle, vous êtes journaliste, historien. Merci de votre participation à l'émission. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.